Le mercredi 22 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. L'opposition municipale demande une enquête sur le tour d'hélicoptère du maire Régis Labeaume. Accompagné de Pierre-Carl Pelado, il a survolé la Coupe du monde de ski de fond dans un appareil de Québécois la fin de semaine dernière. Démocratie Québec y voit une entorse à l'éthique et saisit la commission municipale du Québec. La chef de l'opposition, Anne Guérette, affirme qu'il en va de la confiance des citoyens dans leurs élus. Elle souligne qu'un élu ne peut pas accepter un don ou un avantage qui pourrait influencer son jugement. Dans un bref commentaire, Régis Labeaume a qualifié d'insignifiant la démarche du parti de l'opposition. À Londres, un homme a été abattu par la police devant le Parlement britannique après avoir poignardé un policier. Un deuxième incident est survenu sur le pont de Westminster alors qu'une voiture aurait foncé sur des passants faisant plusieurs blessés graves. On ignore si les deux événements sont liés, mais les autorités évoquent déjà un attentat terroriste. Selon le réseau BBC, au moins une personne aurait trouvé la mort. Le bilan pourrait s'alourdir puisque ces incidents sont survenus dans les dernières heures, sinon les dernières minutes. Scène provinciale. Le ministère des Transports est une nouvelle fois sur la sellette. Une semaine après le cafouillage de l'autoroute 13, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, souligne cette fois plusieurs lacunes dans la gouvernance du plus gros donneur d'ouvrage de la province. Son enquête fait suite aux irrégularités observées par l'ancien ministre des Transports, Robert Poetti. La vérificatrice générale s'inquiète d'une administration trop lourde, d'un fonctionnement trop complexe qui mine, selon elle, la capacité du MTQ à assurer une saine gestion des contrats publics. Et ces jours de budget à Ottawa, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, va dévoiler cet après-midi son plan pour la prochaine année. Après avoir réduit le fardeau fiscal de la classe moyenne il y a un an, M. Morneau mettrait l'accent cette fois sur les investissements dans les infrastructures et dans l'innovation. Le document sera vraisemblablement écrit à l'encre rouge puisque le fédéral a renoncé à l'équilibre budgétaire pour le moment du moins. De son côté, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, réclame un engagement ferme pour le financement du service rapide par bus, mais selon le quotidien La Presse, Bill Morneau ne dévoilerait aucun chiffre précis pour le SRB aujourd'hui dans son budget. Printemps, été, automne, hiver. Météo. C'est nuageux présentement sur Québec, ça se dégage tard cet après-midi. Les vents soufflent à 30 km/h et rafales à 50 et les températures sont stables à près de moins 12 degrés. Ce sera frais cette nuit ou pour ne pas dire froid puisqu'il fera moins 19 la nuit prochaine. Demain jeudi, c'est très ensoleillé, il fera moins 4 degrés. Vendredi, on nous prévoit de la neige intermittente, un maximum de moins 1 degré. La fin de semaine s'annonce plutôt clémente, du soleil et 0 degré samedi et dimanche, c'est ce qu'on nous prévoit du moins pour le moment du côté d'Environnement Canada.